Le voilà sur ce banc. Un des deux bancs de mon quartier qui trace une sorte de ligne droite de banc d'écoute, de halte régulière. Une ligne d'écoute en quelque sorte. Certains pourraient bien se demander pourquoi je choisis un lieu bruyant, diraient certains, d'une trivialité automobile. Pas d'une écoute poétique pour dessous. Ça, non. Mais voilà, je suis en ville. Je ne fuis pas les sons de la ville. Je l'ai, peut-être qu'à certains moments, je les assimile. Parfois sur ce même banc, plus tard, quelques heures plus tard, ils sont beaucoup moins virulents, beaucoup plus éparses, beaucoup plus ténus. Mais pour l'instant, ils sont plutôt une nuée de décibels. Un flux, une constante. C'est un poste d'écoute sans concession qui ne cherche pas à cacher une certaine forme de surenchère, sans doute. Je regarde les voitures. Beaucoup n'ont qu'un seul passager, plutôt qu'un seul conducteur. Une énorme dépense d'énergie urbaine. Certainement un gâchis, écologiquement parlant. Le train est venu casser deux trains. Deux trains qui sont venus casser ce flot pour amener d'autres flots, mais sans doute plus rythmiques. Plus dynamique, plus tonique. des gens me jettent un coup d'œil intrigué, peut-être méfiant. Moi, assis là, dans l'espace public, avec un appareil dont on ne devine pas à première vue la fonction, et qui de plus semble dialoguer avec cet appareil. Quelques instants plus calmes. Quelques émergences. Quelques émergences qui saillent hors de ce magma. Néanmoins, ceci n'est pas sans richesse. Des détails de moteur. Trottinette. En fait, il y a déjà quelque temps que je ne me suis pas livré à cet exercice de description, d'écoute commentée, de sensations à chaud, sur le terrain, sur le vif. Soupir. Autre train. Discret, celui-ci. il faut aller chercher les micro-bruits, ceux des perches des trams par exemple qui cliquettent. Il faut aller les chercher de l'oreille. Discerner des petites accroches pour que notre écoute puisse rester à l'affût. Chercher quelques voies de passage furtives, quelques traces de pas. Je pense souvent, assez sur un banc, à tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Georges Perec. Exercice de style. D'écrire. L'écoute. Une écoute qui n'a rien d'exceptionnel. Qui n'a rien de magique, qui n'a rien de... qui est tout à fait calqué sur une scène de vie quotidienne, urbaine. Mais que je prends comme une contrainte. Et les contraintes pour moi ne sont pas forcément des carcans, elles sont au contraire des, justement, des exercices de style. Se poser là, au milieu des sons de tous les jours, et se dire que sur ce banc, j'attends. J'entends. J'attends et j'entends ce qui veut bien se passer. Je n'ai aucune prise sur les sons, sauf évidemment sur ce que je vous raconte. Et encore. Je me suis tu pour laisser place à ce beau rythme à l'entrée d'un pont ferroviaire qui est juste devant moi. Ce tic tic tac tac, tic tic tac tac. Un élément qui est venu de façon assez heureuse, je dirais, rythmer ce paysage sonore. lui apporter quelques aspérités. Voilà, je pense que ma petite séquence d'écoute, en tout cas celle que j'avais envie d'ouvrir comme une fenêtre commentée, va s'achever ici. Voilà, nous pouvons finir sur cette belle ponctuation de ces dames des reins montées sur leur tour qui nous ont sonné l'Angélus de 19h.